Now, number one is what? Resistance and opposition. Number two is what? Frustration. Number three is what? Blocking. Number four, tempting. Tempting. Number five, frightening. Number six, charming. Number six, charmant. Charm. Charm. Charm. To enchant, to charm. Envoûtement. D'envoûter. Wow. Wow. One of Satan's methods is to charm you. L'une des manières de Satan, c'est de te séduire. Or, the Bible says, la Bible dit, I fear 2 Corinthians 11, verse 3, lest by any means, as the serpent beguiled Eve. The word beguile is the word charm or enchant. Yes. Through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. Hey! One Christ that we've come to serve. Un Christ qu'on est venu servir. Turning into so many things. Il nous fait subir beaucoup de choses. Brother, interpret what I say with the strength that I say it, okay? Amen. Amen. Volume, this is a French program. That's the main volume. All right? Now, to beguile means to charm or divert. D'être séduit veut dire séduire ou de divier ou charmer. Divert. Divier. Dévier. Divert. Dévier. Hey. Now. Maintenant. In India, à l'Inde, we have what we call snake charmers. Nous avons quelque chose qui s'appelle la danse des serpents. And they can play music. Ils jouent la musique. And charm the cobra. Et charme le cobra. Amen. And the cobra will be dancing. Et like le cobra this. Va danser. So you may be powerful. Donc tu peux être puissant. But there is something that can charm you. Mais il y a quelque chose qui peut te charmer. You may be powerful. Tu peux être puissant. But there is something that can charm. Mais il y a quelque chose qui peut te charmer. The Bible says that the serpent beguiled Eve. La Bible dit que le serpent a charmé Eve. Eve. Whatever can charm you. Toute chose qui peut te charmer. Is the thing that doesn't make your mind go by logical steps anymore. C'est la chose qui fait en sorte que tu ne réfléchis pas de façon logique. But by another way. Mais par une autre manière. No more logical. But like this. Mais comme ça. Charming is easy to see when you are standing back and être, you are watching somebody. Être charmé est facile de voir quand tu suis quelqu'un d'autre. But it's not easy to see it in yourself. Mais c'est difficile de voir en soi-même. When you are being charmed. Quand tu es charmé. Yes. You see that you are a young girl and you are being charmed by a man who will never marry you. Tu vois que tu es une jeune fille, mais tu es charmée par un homme. He'll just give you one hug and you see that you have melted like butter in the hot weather. Ils vont juste te donner un câlin et tu vas voir que tu vas fondre comme comme du beurre dans un climat one chaud. Hug. Juste un câlin. You have melted like butter in hot weather. Tu es fondu comme du beurre dans un climat chaud. You have turned into oil. Tu es devenu l'huile. And all the scriptures you know, et tous les versets bibliques que tu connais, are no more working, ne marchent plus, because of one hug, à cause d'un seul câlin, one call, un coup de fil. One day, un jour, a certain sister, une certaine sœur, went for lectures, et allait au cours. As the lecturer was lecturing, comme le professeur enseignait, she was being charmed. Elle était en train d'être charmée. The lecturer was teaching, I don't know whether it was science or maths or whatever. Le professeur enseignait, je ne sais pas si c'était le science ou le mathématique. None of the science or maths was entering her head. L'un des deux, science ou mathématiques, n'entrait pas en elle. She started to hold herself like that. Elle a commencé à se tenir, à bouger. Stop saying hey as if you don't know what I'm talking about. Arrête de dire hey comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Who are those sisters who are pretending? Quelles sœurs qui prétendent? Quelles sont les sœurs qui prétendent? Is it in this Est-ce area que c'est here? Côté là? Those are the back. Ceux qui sont derrière. Now. Maintenant. It is sit down. It is asseyez-vous. The duty of every Christian. C'est le devoir de tout chrétien. That nothing is charming you. De montrer qu'il n'y a rien qui vous charme. Yes. Nothing is charming you. Rien vous séduit. Nothing is what? Rien qui fait quoi? Charming you. Qui vous séduit. But some of you, when you see a lady, parce que certains d'entre vous, dès que vous fair voyez colored, une fille qui est brune, claire de peau, you are charmed. Vous êtes séduit. One day, un jour, one day, un jour, a certain managing director, un certain directeur général, was looking for a secretary, cherchait une secrétaire. Five ladies came to apply. Cinq femmes ont venu postuler. And they all went through the examination. Et tous ont passé une interview. And they passed in different areas. Ils ont passé dans des endroits différents. After doing the exam, they had to come for an interview. Après avoir fait l'examen, ils devaient venir so pour they une finished interview. The exam, that is in shorthand typing, administrative work. Dès que l'examen est fini, computer literacy, saisissant and typing speed of, et la façon d'utiliser l'ordinateur, la rapidité de saisir. And then they came for the interview. Et ils sont venus pour l'interview. And they finished. So after that they had a meeting. Et après, ils ont eu une réunion pour choisir une. So the final decision was with the managing director. La décision finale était avec le directeur général. So they were all waiting for him to give his decision. Et tous ils attendaient la Which décision. Of the people do you prefer? Laquelle entre eux préférez-vous? Is it the one who is fast at typing? Est-ce que c'est celle qui est rapide en saisie les données? Is it the one who was good in administrative work? C'est lui qui est bon en l'œuvre administrative? Is it the one who was good at computer? Est-ce que c'est celle qui est bon avec l'ordinateur? Is it the one with the fast speed? Est-ce que c'est celle avec qui, celle qui est rapide? And he said, non. Il a dit non. Not these ones. Non, ceux-ci. The one with the short red skirt. Celle qui avait une jupe courte et rouge. So, donc, my friend, who are you going to shoot? Enfin, somebody should take the gun. Stand up. Stand up. Il faut quelqu'un prendre le. Fire the man. Il faut l'arroser. All right. All right. Sit down. So you begin to see that. Donc vous commencez à réaliser you are que taking a decision, vous prenez une décision, and decisions of your life, les décisions de votre vie, not based on the word, logic, pas en base de la parole, or especially the counsel of les logiques, ni le conseil de Dieu. One day, un jour, a certain brother decided to be a missionary. Un certain frère a décidé d'être un missionnaire. And then he decided to choose a wife. Il a décidé de choisir une femme. Now, the maintenant, girl that he brought, la fille qu'il a amenée, number one, numéro un, she was from an Orthodox church. Elle venait d'une église orthodoxe. That is, she was not even from a charismatic church. Même pas d'une église charismatique. Number two, numéro deux, she doesn't speak in tongues. Elle ne parle pas en langue. Number three, numéro trois, her salvation was questionable as to whether salut, she was really born again. Son salut est questionnable. On ne savait pas si elle était née de nouveau ou pas. But in the end, mais à la fin, that is the lady. As somebody who says going on a mission. C'est la personne qui l'a you've quelqu'un gone for qui a dit. You see, when you think about it, you realize that you don't. Qui va aller you à mission? Quand tu réfléchis, it. Tu penses à ça, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. So he chose a sister who had well, even shabalabalaba, she cannot. Not even that the scripture, shabalabala, she cannot do. Il a choisi la sœur qui ne peut même pas faire shabalabalaba. When they went to the mission field, dès qu'ils ont parti à la mission, come and see fire. Venez voir le feu. It was not a small thing. C'était pas quelque chose facile. Pepper. Piment. Fire. Feu. He was under fire and he became quiet. Il était sur le feu au point qu'il est devenu calme. On the mission field. À mission. Because it looked like he was under a charm. Parce qu'il paraît qu'il était séduit. Because the sister was very fair. Parce que la sœur était claire de peau. And what do you call it? Magic. Et ses fesses étaient grandes. Et les fesses étaient grandes. Anything that is charming you. Toute chose qui vous séduit. To take another decision. De prendre une autre décision. You have overcome it from today. Tu le surmontes au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Watch out for when your behavior is almost illogical. Veillez au moment où votre comportement est presque illogique. Watch out. Il faut veiller en cela. Yes. You see somebody is married to a nice person. Vous voyez quelqu'un qui a marié quelqu'un de bien. And he goes to town. Dès qu'il part en and ville, he meets a lady who is sharp. Il voit une autre femme with a special qui est guisée, with a special voice. Avec une voix spéciale. She understands him. Elle le comprend très bien. She understands what he needs. Elle comprend ce qu'il a besoin. At every moment, à tout moment, he doesn't have to speak. Il n'a même pas besoin de parler. She's right there. Elle est juste là. Hey! Hey! In terms of beauty, par rapport à la beauté, she's only about 45% of the wife. Elle est 45% de la femme. Suddenly you see that. Subitement, tu vois que the man is saying that my wife is a witch. L'homme commence à dire que ma femme c'est une sorcière. I married in the night. Je suis marié dans la nuit. I married in the evening. Je me suis marié dans le soir. I couldn't see clearly. Je pouvais pas bien voir. If I had married in the morning or afternoon. Si c'était le matin ou l'après-midi que je me suis marié. I wouldn't have made this mistake. Je n'aurais pas dû faire cette erreur. You'll never be charmed. Tu seras pas. You'll never be charmed. Séduit, tu seras pas séduit. You'll never be charmed. Tu seras pas séduit. And some of you, et certains d'entre vous, des femmes, you are sitting down whilst people are charming your husband. Vous êtes assis par contre les autres et séduit votre instead mari. Of also being charming, au lieu d'être aussi charmant, you are behaving like a witch. Tu te comportes comme une sorcière. As he is going to town, comme lui il va en ville, and has met somebody, il a raconté who quelqu'un understands him, et qui danse. Everything he needs, toute chose qu'il a besoin, she's there. Elle est là. When he needs this, quand il a besoin de ça, she's there. Il est là. When he needs that, quand il a besoin de ça, she's there. Et elle est là. And you have folded et your toi, tu as croisé tes bras. And looking, en regardant with your glasses, avec tes lunettes. And your phone. Et ton téléphone. Meanwhile, he's just from town. Par contre, il vient juste and de la ville. Met a charming lady. Et il a raconté une femme, une fille charmante. When he needed food, dès qu'il a besoin de la nourriture, she was there. Elle était là. When he needed ice cream, au moment où il avait besoin de la glace, she knew that it was strawberry ice elle cream savait que needed. C'était la fraise qu'il avait besoin. You there, you don't know anything anymore. Toi, tu ne connais rien. You won't smile. Tu ne vas même pas sourire. Sit down. Asseyez-vous. Whatever negative thing is charming you tonight, toute chose qui te charme, I declare you are free from all enchantment. Je te déclare libre de tout cela. I think the weather is very hot. We need to move to the amphitheater. Je pense que il fait chaud ici. On doit aller à la théâtre amphi. All right. Number seven. Numéro 7. Deception. Déception. So number one is what? What numéro 1 c'est quoi? Number one is what? Resistance and opposition. Résistance et l'opposition. Number two. Numéro 2. Frustration. Number three. Numéro 3. Blocking. Number four. Numéro 4. Tempting. Tentation. Tempting. Tempting. Not temptation. Tempting. Tempting. Tenter. Tenter. Number five, numéro 5, frightening, effrayant. Number six, numéro charming. Numéro 6, séduire. Number seven, deceiving. Numéro 7, tromper, à tromperie. John 8:44. Jean 8:44. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning. And abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, and he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Watch out for people who are not telling the truth. Veillez aux personnes qui ne disent pas la vérité. Satan is going to try hard. Satan va essayer it is fort. His assignment against you to deceive you. Satan is going to try to deceive you. Satan va essayer de vous tromper. In your mission. Dans votre mission. Yeah. You see, he's going to try to tell you. Il va essayer de vous dire. Oh. Oh, this town cannot be a good church here. Cette ville ne peut pas avoir une bonne église ici. This one, there's no money here. Là, it's il not y a a good place. Pas d'argent, c'est pas un bon endroit. Oh, ou, these are not important people. Ça, ce ne sont pas des gens importants. Yes. Oui. You see, vous voyez? One day somebody came and he asked me that, where do you get all these people? Un jour, from? Quelqu'un est venu me demander où est-ce que j'ai pris toutes ces personnes qui sont avec you, they do this, they toi. Where do you get them from? Ceux qui font ça, ils font cela. Did you look at America? Did you employ est-ce them from? Que tu les as embauchés de quelque part ou des États-Unis? Satan has deceived us. Satan nous a trompés. To think that young people are not important. De penser que les jeunes ne sont pas importants. Yes. You see, so I expect an assignment of Satan of deception. In fact, Rejoiner said something. He said, every minister must know your current state of delusion. Rejoiner a dit, there's a current delusion that's working. Tout ministère doit savoir l'état présent de dilution. Il y a une dilution qui est en œuvre à chaque moment dans votre vie. There are some people when you rebuke them, they think you don't like them. Il y a certaines personnes que dès que tu les reprimandes, ils pensent que tu ne les aimes pas. But if Peter, mais si Pierre, that when Jesus says Satan, get you behind me, he doesn't like you. Aurait dû penser que dès que Jésus a dit arrière Satan, il that m'aimait pas. The end of his ministry. Ça aurait dû être la fin de son ministère. But that particular deception didn't work. Mais cette déception n'a pas marché. That Jesus doesn't like me. Que Jésus ne m'aime pas. You see, est-ce que vous that voyez? One didn't work. But if it works on you, before you realize you are resigning. Si ça marche sur toi, avant de te réaliser, tu vas démissionner. You bring your letter and say, I have resigned from your organization. Tu vas mener ta lettre en disant que je démissionne de ton organisation. Change over. Change. We are choosing the best interpreter. Amen. Are you there? Vous êtes là? Amen. Amen. What is Satan trying to deceive you about? Qu'est-ce que Satan est en train de faire pour te tromper? All the time you must be thinking. Tu dois penser tout le temps. What is he opposing? Qu'est-ce que Satan est en train de faire pour m'opposer? What is the frustration? Qu'est-ce que la frustration? What is the blocking? Quel blocage? What is the frightening? Quel est l'effrayant? What is he making me afraid of? Qu'est-ce que Satan est en train de faire me faire effrayer? What is he charming me about? Il me séduit de quoi? What am I under a deception ou bien, about? What am I thinking that is wrong? Ou bien je pense à quelque chose qui n'est pas bon. One time I had a prayer time. Une fois, j'étais en train de prier. I was sitting in a chair. J'étais assis dans la chaise. I prayed and I said, Lord, show me how to bear fruit. J'ai dit, Seigneur, montre-moi comment porter de fruits. And I saw a hand holding a book. J'ai vu une main tenant un livre. I was shocked. J'étais choqué. Because I thought the church was more fruit than the books. Je pensais que l'église portait beaucoup de fruits plus que le livre. But it's not. Mais ce n'était pas ça. The books is outside our church. Les livres sont en the dehors church de l'église. Is a product of the books. L'église est un produit de. But outside the church is even more. En dehors de l'église, il y en a plus. Yes, but you wouldn't know. Mais tu ne sauras jamais. Yeah. Oui. Are you still around? Vous êtes là? What is the delusion that is working on you now? Quelle est l'illusion on me? En tu toi? You must be conscious. Tu dois être conscient of the assignment, du mandat of Satan, du Satan against you. Contre toi. Yeah. As you are following this man, alors que tu suis cet homme là, what are you wrong about? You are wrong. Tu as tort en quoi? You are wrong. Tu as tort. As you are falling in love with this girl, alors que tu tombes amoureux de cette femme, what are you wrong about? Tu as tort en quoi? You are wrong about something. Tu as tort en quelque chose. You think she's nice. Tu penses qu'elle est jolie, but you don't know that she's smelling. Et tu ne sais pas qu'elle se sent mauvais. Elle se sent mauvais. You are wrong. She's smelling. Tu as tort. Are there not a lot of people who are smelling? Est-ce qu'il n'y a pas des filles qui se sentent mauvais? Hey. Hey. One day, un jour, one of my pastors came to see me. Un de mes pasteurs sont venus me voir and et venu. Said, Pastor, I am under temptation. Il a dit, pasteur, je suis sous tentation. I said, why? J'ai dit, pourquoi? He said, the girls in the church, les filles dans l'église, are super delicious. Elles sont super délicieuses. So, took him aside. Donc je l'avais pris à côté, him, just the two of us. Entre nous les deux. So I will not tell you what I told him. Je ne je vais pas vous dire ce que je lui ai dit. I told him, let me sit you down and tell you the truth. Je lui ai dit, assieds-toi, je vais te dire la vérité. He said the truth. I said, yeah, listen to what I was saying. La vérité, oui, écoute-moi. And I told him the truth about the super delicious ladies. Et je lui ai dit la vérité. Concernant, je lui avais expliqué en détail super delicious. Ce que ça veut dire super délicieuse. And when I finished talking, he said, wow. Et il a dit wow. I've not thought about that. Je n'ai jamais pensé à ça. When I think about that, quand I realize that it's not as super delicious, fantastic as I'm imagining. Quand je pense à ça, je n'ai jamais pensé que ce n'était pas aussi super délicieuse comme ça. And he was healed. Et il était guéri. Of his delusions. Because the Bible says, he that committed adultery lacked understanding. La Bible dit, celui qui commet not that he lacked desire, he lacked understanding. La Bible dit, celui qui commet l'adultère, il manque l'intelligence. Alors ce n'est pas so manque as de I force. Explained to him, quand j'expliquais à lui, oui, he saw that, wow, il a dit, wow, it's true. C'est vrai. It's not as delicious as ce n'est pas aussi délicieux imagining. Comme j'imaginais. One day, un jour, another pastor was telling me, un autre pasteur me I'm disait, talking about what assignments je parle of Satan against you. Je parle de des voix de Satan contre toi. One of the members came to sit in the front. Un des membres est venu au devant. And as he was preaching. Alors qu'il prêchait, she was. Elle écartait les cuisses. And I. Et puis. And he was explaining. Et il expliquait. And I said no. Et j'ai dit non. I gave him a revelation. Je lui ai donné une révélation. And that thing was blocked. Et cette chose était bloquée. Yes. Oui. You see, it's a deception. Vous voyez, c'est une déception. On a les beautiful. On a les belles. Mais elle n'est pas belle. On a les gentle, but it's not gentle. On a les beaux, mais ce n'est pas ça. On a les sweet. On a les douces. There are girls that look gentle, I tell you. Elle a l'air gentille. The day you marry them or you get into their webs. Le jour tu vas la marier, c'est fini pour toi. Fini. John Wesley. He was about 45 years old. Il avait 45 ans when he got married. Quand il s'est marié. I wrote a book called The Beauty, the Pastor and the Beast. J'ai écrit un livre intitulé La beauté, John le pasteur et la bête. Was about 40 something and he got sick. Il était and malade. He was almost dying. Il était sur le point de mourir. And a lady et une femme who was a widow qui était veuve came to look after him. Est venue prendre soin de lui. Hey. Every move, she understood John Wesley. Elle comprenait John Wesley. When he needed water, she il a, knew that he il needed avait besoin water. De l'eau. Elle savait déjà. Whatever about him, she understood. Tout ce qui concernait l'homme, she cared for him. Elle a pris soin de lui. She nursed him. Il avait and nourri. He loved her. Et so he married her. S'est marié à la femme. Signed. Ils ont signé. When he signed, quand ils ont signé, and she moved to the house. Elle est venue à la maison. That was it. C'était fini. One day, he quarreled with her. So he said, that's when he saw that on a les sweet, but she wasn't. C'est sweet. Pourquoi j'ai dit on a les douces, mais elle n'est pas douce. One day, after a severe quarrel, après avoir querellé sévèrement, his wife left. The house she was going. L'épouse a quitté la maison. Elle est partie. When she was going, he stood at the door and porte. Said, "I hope dit, I never see your wicked face again." Je ne vais jamais voir ton visage méchant. Yes. Oui. It is in my book. C'est dans mon livre. I hope I never see your wicked face again. J'espère de ne jamais voir ton visage méchant. On allait sweet. Vous allez penser qu'elle était douce. On allait nice. Tu vas aller penser qu'elle est jolie. And not knowing. Mais tu ne sauras pas. It's not. C'est pas there ça. Are some people. Il y a you certaines see, personnes. Brothers, some of you, you, when you see les frères, quand beauty, vous voyez la beauté, it gives rise to what we call parallel images. Ça vous donne les images parallèles. You see beauty. Tu vois la beauté. The next parallel image is food. L'image parallèle, c'est la nourriture. You see beauty. The next parallel image is sex. C'est le sexe. It's beauty. La beauté. The next parallel image is softness. Tu vois la douceur. You see beauty. Tu vois la beauté. The next parallel image is kindness. Tu vois la gentillesse. You see beauty. Tu vois the la next beauté. Parallel image is spirituality. Tu vois la spiritualité. But not knowing that the beauty you see. Mais tu ne sais pas que la beauté tu on vois. On its own. C'est indépendant. All these are not there. Toutes ces choses ne sont pas là. You may not like what I'm saying. Peut-être tu n'aimes pas ce que je dis. But. But I don't care. Mais je m'en fous. I don't care. Je m'en fous. I'm preaching what I'm preaching. Je prêche ce que je prêche. I don't really care. Je m'en fous. One day, un jour, I met a certain pastor. J'ai rencontré un pasteur. And he said to me, et il m'a dit, I have a very good wife. J'ai une belle, une bonne épouse. But mais, my wife, mon épouse, is deceptive. I will explain deceptive. Elle est trompeuse. Je vais expliquer. Not really deceptive, but deceptive in a way. Pas vraiment trompeuse, she mais said trompeuse. From the outside, elle dit, quand tu la vois à l'extérieur, she doesn't look so beautiful. Elle ne ressent quelqu'un belle. But mais, on the inside, à l'intérieur, she's fantastic. Elle est fantastique. Yes. Then he continued. Donc quand il continue de to parler, describe à décrire his experience, son expérience. In his house. Dans sa maison. Wow. Wow. When he began to describe, il a commencé à décrire. I almost fell down. J'ai failli tomber. J'ai failli tomber. I had never heard such a thing before. Je n'ai jamais entendu les choses comme ça. So sometimes you see the lady looks like this. Des fois elle a l'air but it's not like de comme ça mais elle n'est pas comme ça. Looks like this. Elle ressemble ça. And it's like this. Mais elle est comme d'autres choses. What is Satan deceiving you about? Donc Satan te déçoit sur quoi? Yes. Il te trompe sur quoi? Yes. Oui. Many people have been deceived. I'm going to America. Beaucoup ont été trompés. Je pars en Amérique. I'm going to England. Je pars en Angleterre. I'm going to Paris. Je pars à Paris. I'm going to Switzerland. Je pars en Suisse. They are poorer. Sont devenus plus pauvres. Than people who even stayed at home. Plus que ceux qui sont même ici à la, chez nous. If I had gone to America, si j'étais allé en Amérique, Amérique, you think somebody would have invited me to Singapore? Quelqu'un m'a allé inviter à Singapour? When jamais. I arrived in Singapore, the pastor told me, "We are putting you in the tallest building in Southeast Asia." Quand je suis arrivé à Singapour, le pasteur m'avait dit, on te met dans un hôtel le plus long, grand, même en Asie Sud-Est. Oui. When I arrived in Korea, quand je suis arrivé en Corée, they took me to the Millennium Hilton Hotel. On m'a mené à l'hôtel Millennium Hilton. Do you think I would have gone into a Millennium Hilton Hotel? Vous pensez que j'allais as a doctor at in America? En tant que médecin, even Ghana, même au Ghana. I ordered for one glass of orange juice. J'ai demandé un verre de jus d'orange. When they brought you, they said whatever you need, just order. Ils m'ont dit de demandez one ce que glass, j'ai un verre, not a bottle, a glass. Pas la bouteille, un verre. When it came, I signed. Quand c'était venu, j'ai signé. As the man was going quand out, il partait, I said, come, let j'ai me dit, see the, what I signed. Je veux voir ce que j'ai signé. When I look at it, j'ai regardé. $50 for one glass. $50 pour un verre de jus d'orange. $50. $50. 25 000 francs CFA. One glass. Finish. C'était ça. Do you think I would have drank a $50 orange? Est-ce que vous pensez que j'allais boire un verre? As a doctor in America. Si j'étais médecin en Amérique? Non. When I went to Mali, quand je suis allé au Mali, the president received me in his palace. Le président m'a reçu dans son palais. Golden Palace in Bamako. Palais doré. Beautiful. À Bamako. Security everywhere. Il y avait la sécurité partout. You think if I was a doctor and I say I'm a doctor, I'm tu penses que ear specialist, I've come. Si j'étais médecin spécialiste dans les oreilles. See the president. Why? Pour voir le président. Pourquoi? He needed my prayers. Mais il avait besoin de mes prières. His wife needed my prayers. Son épouse avait besoin de ma prière. Yes. Oui. Hey. A pastor is. You think a pastor is lower? When I became a pastor, I said, oh how? Tu vas penser qu'un pasteur c'est quelqu'un qui est plus pastor, bas. Pourquoi? Too low. Pasteur, trop bas. You are lowering yourself. Tu es en train de te rabaisser. A doctor, you come down. Hey, docteur, tu es devenu pasteur. Pourquoi? It's a deception. Satan is deceiving. C'est Satan qui est en train de tromper. It's lower, it's higher. C'est plus haut, ce n'est pas en bas. Only a pastor. C'est seul un pasteur. Will somebody kneel down? Devant qui quelqu'un peut te if mettre à genoux? If you're a bank manager, no, do your client kneel down when you go to the bank? Si you kneel down in the si bank. Si tu es un gérant de banque, est-ce que les clients viennent s'agenouiller devant toi? One day. Un jour. I went to visit a king. Je suis allé rendre visite à un roi. And, the queen actually, it was the c'était queen. La reine plutôt, la reine. Came to see me. Elle est venue me voir. When she came, quand elle était venue. When I say the queen, in speaking symbolically, I don't want to mention the queen. Je dis la reine, je parle symboliquement. And she came and mentioned all her problems. Elle était venue me dire tous ses problèmes. I should pray for her. De prier pour elle. I said no problem. Je dis pas de problème. And I remember that it's only a pastor that somebody would kneel down. Je me suis souvenu, c'est devant seul un pasteur que quelqu'un so se met à genoux. Queen and I said, kneel down. J'ai dit, Madame la Reine, no. Madame la Reine, mets-toi à genoux. And she knelt down. Elle s'est mise à genoux. And I prayed for her. J'ai prié pour elle. So Satan is always deceiving us. Satan nous trompe that toujours. Something is different que from how it is. Quelque chose est différent de so ce que. So ask yourself, what are you being opposed? Demande-toi. Frustrated. La frustration. Resisted. La résistance. Tempted. Toutes les tentations. What is tempting? What is blocking? Qu'est-ce que te tente? Qu'est-ce que te bloque? What is frightening qu'est-ce you? Qu'est-ce qui t'effraie? What is charming you? Qu'est-ce qui te charme? What is deceiving you? Qu'est-ce qui te trompe? Tempting you. Qu'est-ce qui te tente? Testing you. Ça always testing ça you. Ça te met la preuve. Te teste. Hey. Number 8. Numéro 8. Betraying you. La trahison. Betraying you. Il te trahit. Betraying you. Il te trahit. When supper was ended, quand le dîner est terminé, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, le diable, Simon's son, to betray him. Ayant mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon, de le trahir. Satan put into Judas' heart to betray you. Satan a mis dans le cœur de Judas de le trahir. So you must always be on the lookout for who and what Satan is doing against you to betray you or to be disloyal to you. Tu dois veiller à regarder qui est-ce que Satan est en train d'utiliser pour te trahir ou être déloyal à toi. Yes. Oui. The Bible says the devil having put into the heart of Judas to betray. La Bible dit le diable ayant mis dans le cœur de Judas de trahir. One of the assignments. Un des devoirs. And that is why whenever I've been preaching about loyalty and this for years, I'm always, it's fighting, it's an anti-satanic fight. C'est pourquoi tout ce temps, long de l'année, je parle de loyauté, je suis en train de faire un combat, c'est un combat anti-satanique. It's an anti-satanic fight. C'est un combat anti-satanique. Something is you see people, 40 people sitting there. You see that somebody is against you there. Tu vois 40 personnes. By smiling at you, by fighting you. 40 personnes assis devant toi et il y a un parmi eux qui est contre toi mais il sourit à toi. Something is betraying you. Quelque chose te trahit. Lying about you. Quelque chose en train de mentir. Hiding you from under. En train de te faire des choses de sous. You must keep your eyes open. Tu dois ouvrir les yeux. As you are going around tempting somebody, as you are going around working, Satan is trying to turn people against you. Alors que tu travailles pour le Seigneur, Satan aussi œuvre à travailler contre toi. To make somebody forget. Il veut faire que quelqu'un t'oublie. That's why I wrote the book, Those Who Forget. C'est pourquoi j'ai écrit le livre Ceux qui oublient. To make somebody ignorant. Il va faire quelqu'un ignorant. That's why I wrote the book, Those Who Are Ignorant. C'est pourquoi j'ai écrit le livre Ceux qui sont ignorants. To make somebody a dangerous son. Il va rendre quelqu'un un fils dangereux. That's why I wrote the book about that. C'est pourquoi j'ai écrit un livre de ça. To make somebody pretend. Il va faire quelqu'un va prétendre. Like Judas. Comme Judas. Satan is always in a church trying to make somebody leave you. Satan est toujours à l'église en train de pousser les gens à te quitter. He's trying to make somebody accuse you. Il essaie de faire que quelqu'un t'accuse. Amazing. C'est étonnant. All these books, tous ces livres, are anti-satanic books. Sont des livres anti-sataniques. Number 9. Numéro 9. Stealing. Le vol. Voler. John 10:10. The thief comes not but for to steal. Jean 10:10. Le voleur ne vient que voler. One of the strong assignments of Satan is to steal something from you. Un des devoirs plus forts du Satan, c'est de voler quelque chose de toi. The world is full of thieves. Le monde est rempli de voleurs. Something is always being stolen from you. Quelque chose est toujours en train de voler de toi. Yes. Oui. It's one of the assignments. Go and steal. C'est un des devoirs. When Job, the devil came to ask the Lord. Satan, the Lord said, "Have you seen my servant Job?" Dieu a dit, tu as vu mon serviteur Job? C'est okay, go. Il faut aller. When he went. Quand il est allé, armed robbers came to the house immediately. Les braqueurs sont venus chez lui. Yes. As soon as Satan was released, armed robbers came. It's the manifestation of Satan's activity. Quand Satan était libéré, les braqueurs, armed robbery. Une manifestation des œuvres de Satan, le braquage. People stealing in the church. Les gens volaient dans l'église. Church thieves are cursed. Les voleurs de l'église sont maudits. You cannot leave Christians to count offerings. Tu ne peux pas avoir des chrétiens pour compter les you offrandes. Have to watch them with videos. Tu dois les veiller avec, surveiller avec des vidéos. You have to watch them. Tu dois les surveiller. Many are thieves. Oui. Plusieurs so sont des voleurs. Will be raising funds, le pasteur est en train de lever le fonds. Et l'argent est toujours insuffisant. Because one of the demonic assignments, parce qu'un des devoirs démoniaques, stealing, c'est de voler. If you sit there thinking, tu es assis en train de penser tout. Everybody here is a good Christian. Tout le monde ici, tu es un bon chrétien. No. One day, un jour, I went to the church office on Monday. Je suis allé au bureau de l'église le lundi. They were not expecting me there on Monday. Ils ne m'attendaient pas le lundi. Ils ne m'attendaient voir le lundi. When I got there, quand je suis arrivé, the pastor who was doing the offering, le pasteur qui comptait l'offrande, has he had arranged all the papers. Il avait let me have a look at the papers. Arranger les billets, j'ai dit, je vais as voir I started les to look through, quand j'ai commencé à regarder, I saw that he has stolen so much money. J'ai constaté, il avait put in the offering, volé put in the bank, stolen so much. Il avait volé beaucoup. Pastor, no, pastor, non. Cannot be. Ça ne peut pas. Satan's work against my life. I raise the money, somebody's stealing it. Yeah, tu vas arranger l'argent, quelqu'un vient voler. Another time, une fois, we had somebody who was counting the offering. On avait quelqu'un qui comptait les offrandes. He has been counting the money for a long time. C'est lui qui comptait les offrandes pour longtemps. So one day, donc un jour, he had a crisis. Il avait une crise. Where he was working, là où il travaillait, at a high in place, c'était un endroit. Sacked him. On l'avait chassé. Yes. So I said. Donc je lui ai dit. I called our assistant pastor. I said. Please check why this man was sacked from. J'ai demandé à son pasteur, il faut demander savoir pourquoi il était chassé. Stealing. C'était le vol. I said stealing. Et j'ai dit le vol. Like he's the one counting our offering. Every celui qui compte nos offrandes. So we confronted him. I said, alors on l'a on tell avait the truth. Affronté. He said I've taken. On lui a dit, dis la vérité. Il dit, j'ai volé. I've taken. J'ai volé. He's no more in the church. C'est normal. He's probably in another church counting money in another church. C'est normal à l'église. Yeah. Un jour, somebody came to our church. Quelqu'un venu dans notre église. And put in an offering. Et la personne a mis une offrande. And called me after. La personne m'avait appelé après. Said, I want you to know that I put this offering in. Je veux que tu saches que j'ai mis telle offrande dans le panier. So I said, wow, because the currency was unusual. J'ai dit wow, parce que it was not a usual currency. L'argent, le monnaie n'était pas monnaie du Ghana. Hey. Hey. When we checked the currency, quand on avait vérifié les monnaies, it was not there. C'était disparu. When we went, donc on a, I called for the person. J'ai appelé la personne. And we made a surprise attack on the house. Et j'ai fait une his house surprise. Was full of envelopes. Sa maison était remplie des enveloppes. He had been stealing from the office for a long time. Il volait des offrandes pour longtemps. One of the commonest things is people stealing plus, from the offering. Une des choses les plus communes, c'est les gens that is volent. Why sometimes when you are a pastor, c'est pourquoi des fois quand tu es pasteur and you are praying for people, et tu pries pour les gens, the Holy Spirit will tell you, le Saint-Esprit te dira, pray for only one person. Prie pour une seule personne. Don't pray for the rest. Ne prie pas pour le reste. Why, Lord? Pourquoi pas? There are 8 people who are suffering. 8 personnes sont en train de souffrir. Just pray for one. Prie pour une seule personne. We don't understand. Tu ne comprends pas. Because you are praying for something that cannot be cured. Parce que tu pries pour quelque chose qui ne peut pas être guéri. This man you are praying for is a murderer. This one is a thief. This one is celui-là, il est maître. Celui-là, il est voleur. And there are many reasons for problems. Il y a des raisons pour leurs problèmes. Yes. Oui. Reasons. Des raisons. Reasons. Des raisons. God is not blind. Dieu n'est pas aveugle. It's not a man's money you are stealing. Et tu ne voles pas l'argent d'un homme. It's God's money. C'est l'argent de Dieu. When Jesus went to the pool of Bethesda, quand Jésus est allé à la piscine de Bethesda, the Lord told him, pray for only this man. Dieu lui a dit, prie pour cet homme seulement. The Bible said there was a multitude. La Bible dit il y avait une multitude. And he healed only one man. Mais il a prié pour une seule personne. Why? Pourquoi? And they asked why. He said, I do what I see my father do. Et il a dit, je fais ce que je vois mon père faire. Not easy to release people from prison. Ce n'est pas facile de libérer les gens des prisons. One day I went to a prison in Liberia. I wanted to release all the people. Un jour, je suis allé dans une prison au Liberia. Je voulais libérer tout le monde. But there were reasons. Mais il y avait des raisons why they were in their pour lesquelles ils étaient en prison. So you got to watch out. Donc tu dois faire attention. These are the reasons why there are curses. Voici les raisons pour lesquelles il y a des malédictions. The Bible says the curse of the Lord is in the house of a thief. La Bible dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison des voleurs. The curse consumes the timber and the wood. Ça va dévorer les bois et toutes les choses dans la maison. Yes. Me, I'm afraid of the church money. Moi, j'ai peur de l'argent de l'église. I'm afraid of it. J'ai peur. Yes. Since the church began, by God's grace, I don't think I've ever stolen any money from the church. Depuis que l'église a commencé, je ne touche pas l'argent. Si j'ai, I don't know of any occasion that I've stolen que Dieu me pardonne, je ne me souviens pas d'une opportunité de voler quelque chose de l'église, jamais. Yes. Oui. Even tithes. Même les dîmes that I am giving, que j'ai donné. Since I was 18 years old, I've been depuis paying tithes. Depuis l'âge de 18 ans. I'm afraid of a church even two, even two CDs. Même deux CDs de ma dîme, jamais. Yes. So, alors, one of the satanic assignments, un des devoirs sataniques, stealing from you, c'est de voler de toi. You see, when God wants to prosper you, tu vois, quand Dieu veut te rendre prospère, He will rebuke the cankerworm, but not increase your income. Il va. The reason why people are in Europe, they don't have money. La raison pour laquelle les gens n'ont pas d'argent, is because c'est parce que they have many things that take the money back. Ils ont des choses qui reprennent l'argent. Yes. Oui. If you give me one CD, tu me donnes un CD. Give me 10 CDs. 10 CDs. Give me 100 CDs. 100 CDs. If you give me 1,000 CDs. 1,000 CDs. I become richer by 1,000 CDs. Je deviens exactly. Plus riche par 1,000 CDs. Because I don't owe anybody. Parce que je ne dois à personne. And I have almost nothing to buy. Et je n'ai rien à acheter. Anytime I have something to buy, I'm so happy. Chaque fois que je dois acheter quelque chose, je suis content. Last week I was in Mumbai. La semaine passée, and j'étais à Mumbai. J'étais à l'aéroport. And they were selling something. Ils vendaient des choses. The bag. Les sacs. So I said, oh, I don't need a bag, but I can have a bag. So let me. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'un sac. I need you. Mais j'ai besoin de ce sac. I was talking. Look. J'ai parlé. How much is it? Combien? When is it? How much? J'ai dit combien? $60. $60. Oh. I was disappointed. J'étais déçu. I wanted something expensive. Je voulais quelque chose qui so était cher. Like that. Donc je l'avais acheté comme ça. Yeah. That will be your story too. Ça sera ton histoire aussi. Satan wants to take away. Satan veut voler. You see somebody buying a car you cannot afford. Tu vois quelqu'un qui achète une voiture ne peut pas acheter. A life you cannot afford. Une vie que tu ne peux pas supporter. Yes. Many people have nothing because the thief tells them, have this. Les gens n'ont rien. Which is, look, if right now I go and take an aeroplane. Parce que si je prends for un avion pour l'église, that's it. C'est ça. There'll be nothing left. Il n'y aura rien. We can do it. On peut, on le peut. We can do it. On peut. I know the cost. Je connais le prix d'un avion. My plane will be parked at the airport. You say, Bishop Dashwood Mercy is the only man of God in Ghana with a private jet. J'aurai un avion à l'aéroport en bas du. L'évêque d'Agormis, le seul homme de Dieu avec un jet privé. Wow! We write on it, Healing Jesus Crusade. On va écrire sur l'avion, campagne Jésus qui guérit. Then you start to see changes. Tu vas commencer à voir des changements. Because something is now going out of you. Parce que quelque chose est en train de sortir de toi. Amen. Amen. So watch out. Donc fais attention. What is Satan trying to charm you and deceive you and steal from you? Fais attention. Especially your money. Surtout tes pensées. Ton argent. Ce que Satan tente de te tromper, de te charmer, de te voler. Charmer. De charmer. Voler. Voler. Wow. The last one. Killing. Le dernier. Satan is trying to kill you. Satan essaie de te tuer. It's an assignment to kill you. Il a un devoir de te tuer. The thief comes not to steal but to kill. Le voleur ne vient que de tuer. Hey. Hey. Killing. Tuer. Merci. Égorger. Miséricorde. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Now. Last week I was told of a pastor who died in an accident. He, his wife and his child, all three. La semaine passée, on m'avait raconté une histoire d'un pasteur qui était mort, lui, son épouse et son enfant dans un accident. Yeah. Oui. And another pastor who died in another country also, he and his wife survived and he died. Un autre pasteur avec son you épouse. Must know one of Satan's assignment is to kill you in a car. Tu dois savoir, l'un des devoirs de Satan, c'est de te tuer dans ta voiture. Dans une voiture. And when you see pastors, et quand tu vois des pasteurs, and you tell them et, to drive slowly, et tu leur dis de rouler lentement, they think it is, you are an old man. Et ils pensent que tu es un vieillard. Yeah. One day, a man saw me driving. Un jour, un homme m'avait vu. At that time, I was driving fast. Conduis, je conduisais très vite. And he asked me, "How old are you?" Il m'a demandé, tu as quel âge? He said to me, "You'll be less than 50 because of how you are driving." Il m'avait dit, tu dois être moins de 50. He told me my age will be less than. Il m'avait dit, tu es moins de 50 par rapport à ta manière de conduire. One time, Bishop Saki was in, I think, South Africa, and il he was in a car. He fell asleep. Or one of the pastors. Il était en Afrique when du he Sud. Opened his eyes, il avait ouvert les yeux quand il dormait. The car was around 220 kilometers per hour. La voiture roulait de 120 kilometers par heure. You must know. Tu dois savoir. That is one of the demonic assignments. L'un des devoirs démoniaques, c'est de te tuer. Through accidents. Par des accidents. Yeah. You think it is a old man talking. Tu penses que c'est un vieux qui te conseille? Yeah. Yeah. Oui. The first time I was going to South Africa, I met a pastor sitting by me. I said, "Where are you going?" He said, "I'm going to bury a friend pastor who died in South Africa in an accident." And I've heard several since then. La première fois que je partais en Afrique du Sud, il y avait un pasteur dans l'avion. Je lui dis, tu pars où? Il dit, je pars enterrer mon ami qui est mort dans un accident. Et yeah, c'est ça que j'entends tout le temps. Sometimes you see pastors going for useless funerals. La fois, tu vois that you don't have to go for. Il part au dangerous funeral. Funérailles inutiles, dangereux. C'est ça que les pasteurs aiment. It's like the funeral is like some excursion we are going for. Pour vous, le funérail, c'est comme une excursion. In the name of funeral and tradition. Au nom de funérailles et tradition. Most of the people under me, if it comes and it's not necessary, I say, don't go. Il y a certains funérailles, je dis, ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas aller. Satan is trying to kill you through overweight. Satan essaye de te tuer à travers le surpoids. Yes. Oui. Yes. Oui. You see, most of us are not conscious That's what I'm saying. That ask yourself, what is trying to charm you? Je te dis, what is trying to tempt you? Qu'est-ce qui essaie de what te is opposing you? Qu'est-ce qui est en train de t'opposer? What is frustrating qu'est-ce you? Qui te frustre? What is blocking you? Qu'est-ce qui te bloque? What is deceiving qu'est-ce you? Qui te trompe? What is trying to kill you? Qu'est-ce qui essaie de te tuer? And you see, Lord, when you think of a devil, don't think of too spiritual. Quand tu penses au diable, ne pense pas. The spirit causes physical things. L'esprit cause des choses when physiques. Job, when the devil was released against Job, armed robbers, fire, burned the house, his business collapsed. All was caused by Satan's movements. Quand Satan était libéré, all his children died. Tous ses enfants sont morts. L'incendie, le braquage, tout. All his children died. Tous ses enfants sont morts. The woman who was bent over, la 18 femme years, qui était courbée pour 18 was caused ans, by a spirit of infirmity. C'était un esprit d'infirmité. So, physical things alors, les choses physiques are caused by spirits. Sont causées par des esprits. You must be conscious. Tu dois être conscient. This is something that is happening now. Que c'est quelque chose qui se passe dans ta vie maintenant. Satan has tried to kill me a number of times. Satan a essayé de me tuer plusieurs fois. Yes. Oui. A number of times. Plusieurs fois. Yes. Oui. I've escaped. J'ai échappé. Je me suis échappé. By the angel of the Lord. Par l'ange de l'Éternel. So, alors, you need to be conscious of it. Tu dois être and conscient. As we go out there, il y a des gens dehors to do the work of God, qui veulent faire le travail de Dieu. Ah, you are going to bind the devil so much. Tu vas lier le diable. He's going to feel very unhappy. Il ne sera pas content. Because, look, even sometimes you can't find your key or you can't find something. Même des fois, tu ne trouves pas tes clés. If you like, try it. Si tu veux, il faut essayer you voir. See that something is opposing you from going out. Tu vas voir quelque chose s'oppose à toi de sortir. Satan, I bind you. Take your hand off your key, then you see that it is there. Quand tu pries, tu dis Satan, je te lis. Ôte ta main de mes clés. Dans quelques minutes, tu vois tes clés. Hey, hey. You may never know. Tu ne sauras jamais. What is trying to kill you? Qu'est-ce qui essaie de te tuer? Oppose you? S'oppose à toi? Deceive you? De te tromper? Charm you? De charmer? Steal from you? De voler de toi? Frighten you? De t'effrayer? These are satanic assignments. Ce sont des devoirs sataniques. Be disloyal to you. Être déloyal à toi. It's by the presence of devils. Par la présence des diables. From today. À partir d'aujourd'hui. You are declared free from demons. Tu es libéré de toutes ces choses. I am sending you forth as the chief binder of devils. Je vous envoie comme les gens qui vont lier le diable. Before we take a short break. Avant de prendre une pause. What time is your dinner? What time is your by before 8? You said before 8. But it's past 8 o'clock. So we take a break now. It's very hot. On prend une pause. Il fait chaud. We shall continue. On va continuer. Satan is trying to what? Oppose you. Satan essaie de oppose s'opposer means à toi. What? Opposer, ça veut dire quoi? Attaquer. Contester. Steal from Recently, récemment, I was in Brazil. J'étais au Brésil. And the Holy Spirit gave me a master key to escape thieves. Le Saint-Esprit m'a donné une clé maîtresse pour m'échapper des voleurs dans l'église. Yes. That's true. C'est vrai. One of the reasons why I build fast is because of the presence of thieves. Une des raisons pour laquelle je construis. Give them a shorter time to steal. OK. Afin ça leur donne un peu de moment pour voler. If the project lasts for 3 months, they have 3 months of stealing. Parce que si le projet, if the project is 2 weeks, it's only 2 weeks of stealing. Si le projet dure pour 3 mois, ils ont 3 mois à voler. Si c'est 2 semaines, ils ont 2 semaines à voler. It's not a joke, it's serious. Ce n'est pas de blague. The stealing is part of the world. Le vol, ça fait partie du monde. The world is made of thieves. Le monde est rempli de voleurs. Look, can you set up the sound system outside for us? Is it possible? It's done. Oh, great. Oh, then we have to go outside. All right. D'accord. We use the amphitheater. Man, this place is too hot. Fait chaud ici. Lift your right hand and rebuke the devil. Satan, I bind every opposition, frustration, faut menacer le diable. Enchantment, tous les méchancetés, les enchantements, opposition, tous les oppositions, lying, in the name of faut Jesus, les lier au nom de Jésus. All these activities in my life, je lis toutes ces activités dans ma vie. Jesus Christ, au nom de Jésus Christ. Les chakras à la baba la zandole. Every killing spirit, accident spirit, death spirit, lying spirit, les esprits de mensonge, les esprits de frustration, l'esprit de frustration, tout l'esprit de vol, l'esprit de déception, je te lis. Il faut les lier. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Il faut les lier. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Et je te rejette au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Every enchantment, tout enchantement, and charm, séduction, and charm, et le charme in your life, dans ta vie, is broken tonight, est brisé au nom de Jésus. Jesus name. Everything you are deceived about, toute chose de quoi tu es déçu, trompé, the truth is revealed to you today in Jesus name. La vérité a été révélée à toi aujourd'hui. Every frustration, toute frustration, to wear you out. Pour te every faire opposition, toute opposition, every antagonism, tout antagonisme, every blocking, tout blocage of your life, de your ta ministry, vie, ton ministère, your future, ton avenir, I curse it now in the name of Jesus. Je le maudis au nom de Jésus Christ. You are released to prosper in the name of Jesus. Tu es libéré à prospérer au nom de Jésus. Anyone that is contesting your calling, quiconque conteste ton appel, break it down now in the name of Jesus. Je le brise au nom de Jésus Christ. Every opposition to Mission International Jesu Gikeri, every opposition, toute frustration, opposition, frustration, tromperie, blocage, enchantment, enchantement it, à contre cette église, we cancel it in the name of Jesus. Nous le supprimons au nom de Jésus Christ. Satan, you are uncovered. Satan, tu es dévoilé. In Jesus name, au nom de Jésus Christ, I declare your freedom, je déclare ta liberté, your liberation, ta libération, from all forms of antagonism, de toute forme d'antagonisme, non, to your life, à ta vie, in Jesus name, au nom de Jésus Christ. Any thief, aucun voleur, braqueur, that has targeted you, qui t'a ciblé, I declare a fire to consume him now in the name of Jesus. Je déclare que le feu le consomme au nom de Jésus-Christ. Any thief that is in operation today, tout voleur qui opère aujourd'hui contre ta vie, ministry, contre ton ministère, I command the fire of judgment upon the person. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Whatever lifts up his horns. Tout ce qui lève sa corne. Oppose your calling. Pour s'opposer à ton appel. Oppose your position. Pour s'opposer à ta position. To oppose mission internationale. S'opposer. Jésus qui guérit. Mission internationale Jésus qui guérit. I crush it in the name of Jesus. Je les écrase au nom de Jésus-Christ. You are declared blessed. Tu es déclaré carpenter of the Lord. Un forgeron de l'Éternel. You'll never be poor again after today. Tu ne seras plus pauvre à partir d'aujourd'hui. Whatever steals your money. Tout ce qui vole ton argent. Your money, ton argent. Whatever is taking from you, whatever is stealing your money, whatever is stealing your prosperity, whatever is taken from you, tout ce qui est pris de toi, bind it with the judgment of God in the name of God. Je le lis avec le jugement de l'Éternel. In Jesus' name. Au nom de Jésus. You are declared prosperous. Tu es déclaré prospère. You are free. Tu es libre. From every form of molestation. De toute forme de molestation. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. Every snake. Tout serpent that is waiting for you to step on it, qui t'attend à ce que tu mets pied, it will bite you, afin de te mordre. Today, aujourd'hui, I cut off the head of that snake. Je coupe sa tête. Je coupe sa tête au nom de Jésus. Every wicked ambush. Toute embuscade méchante. Every entrapment. Toute sorte de piège. Every demonic surprise. Tout surprise démoniaque. That is launched against you. Qui a été lancé contre toi. I block it by the name of Jesus Christ. Je le bloque dans le nom de Jésus Christ. Every fire that has been lighted. Tout feu qui a été allumé. To burn down your house. Pour brûler ta maison. To burn down your future. Pour brûler ton avenir. To burn down your children. Pour brûler tes enfants. To destroy your family. Pour détruire ta famille. I quench it by the name of Jesus. Je l'éteins au nom de Jésus Christ. I return the fire back to the sender. I return the fire back to the sender. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Any decision. Toute décision. That has been taken about you. Qui a été prise de toi. That is not a good decision. Qui n'est pas une bonne décision. I break the table. Je brise au nom de Jésus Christ. Any plan. Tout plan. Any meeting. Toute réunion, any decision, toute décision, any idea, toute idée, that has been conjured, qui a été conjurée, against your future, contre ton avenir, against your life, contre ta vie, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I send confusion into the abyss. J'envoie la confusion là-bas au nom de Jésus. Whatever prevents you from becoming a city set upon a hill. Tout ce qui t'empêche de devenir une ville sur une montagne. Whatever prevents somebody from calling for you. Tout ce qui t'empêche afin que quelqu'un les gens le cherchent. Whatever prevents somebody from needing you. Tout ce qui t'empêche à ce que les gens te rencontrent. As the salt of the earth. En tant que sel de la terre. Is needed today. Comme il a besoin d'aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I bind that thing today. Je lis la chose au nom de Jésus. You are free. Tu es libre. From all types of demonic affectation. Tout genre de affectation démoniaque. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Your steps are anointed with battle. Tes pas, Tes pas sont oints de la peur. Tes pas sont oints. Your steps are anointed with oil. Tes pas sont oints de l'huile. You are a blessed child. Tu es un enfant béni. I now confer upon you the anointing. Je confère sur toi l'onction. It shall be said of you. On va dire de toi. How God anointed Jesus of Nazareth. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Who went about doing good. Qui partait de lieu en lieu. And healing. Et il guérissait. All that were oppressed of the devil. Tout ce qui était sous l'emprise de diable. You are declared anointed. Tu es déclaré anointed. All types of oppressions of the devil are broken in your life. Tout genre d'oppression sont brisées dans ta vie au nom de Jésus Christ. Whatever represents an oppression. Tout ce qui représente une oppression. Rulership over your life. Même un dirigeant très dur sur ta vie. Pressing you down. Qui te presse en bas. Pressing you down. Qui te presse en bas. Whatever it is today. Tout ce qui s'est aujourd'hui. It is declared broken tonight. C'est déclaré brisé au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. You cannot be down anymore. Tu ne seras plus en bas. All your struggles. Toutes tes luttes. Over sont finies. À partir d'aujourd'hui. You are part of a glorious church. Tu fais partie d'une église glorieuse. Glorious. Une église glorieuse. Glorious. Glorieuse. I said glorious. Je dis glorieuse. I said glorious. Glorieuse. Your life is declared glorious. Ça beautiful. Belle. In Jesus' name. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Give the Lord a mighty clap of praise. Acclamez fort pour le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Now, maintenant, as we go out, alors que nous sortons, you are going to experience fresh air. Tu vas expérimenter l'air frais. It shall be a sign to you. Ça sera un signe pour toi. All things are passed away. Les choses anciennes sont passées. New and fresh things. Les choses nouvelles et fraîches sont venues maintenant. New and fresh things. Les choses nouvelles et fraîches. There's something fresh. Quelque chose de frais. And new. Et joli et nouveau. Released in your alors life. Que nous vient dans ta vie. Today. À partir d'aujourd'hui. I have received commandment to bless. J'ai reçu l'ordre pour bénir. And I cannot change it. Et je ne peux pas le changer. Receive that blessing in Jesus. Recevez la bénédiction. Your remaining years. Les jours qui te restent sur ta terre shall be spent serving Almighty God. Seront dépensés. Your remaining years. Les jours qui te restent sur cette terre. Spent serving Almighty. Tu vas servir l'Éternel. Whatever is left. Tout ce qui reste. Your life. Dans ta vie. Shall be spent serving Almighty God. Tu vas l'utiliser pour servir l'Éternel Tout-Puissant. Whereas in the past. Même dans tes passés. You serve the enemy. Tu as servi l'ennemi. He has lost his power over your life. Il a perdu sa puissance sur ta vie. And you are declared a servant of the Lord. Tu es déclaré un serviteur de Dieu. One day, un jour, your children will be talking in school. Tes enfants vont parler à l'école. They will tell their friends. Ils vont dire à leurs amis. My mother is a pastor. Ma mère. Ma mère est pasteur. Oui. Some will also tell their friends. Quelques-uns vont dire à leurs amis. My father mon is a père pastor. Est pasteur. Then. Et there will be an argument in the school. Il y aura un débat à l'école. Among the children. Parmi les enfants. And your child. Et ton enfant. Will stand firm. Va se tenir ferme. And say. Et dit. My mother. Ma mère. Is a pastor. Est pasteur. But your child, mais ton enfant, will not be able to imagine, ne peut pas imaginer, that there was a time, il y avait un temps, where you were nothing like a pastor at all. Tu n'étais rien même comme un pasteur. No. No. They cannot even imagine you dancing in a nightclub. Il ne peut pas imaginer toi danser dans une boîte de nuit. From the time that your child can say mama. À partir du temps que ton fils peut dire mama. From the time that your child can say papa. À partir du temps que ton enfant peut dire papa. They will see you in the church. Ils vont voir toi à l'église. Working for the Lord. En train de servir l'Éternel. From the time that your child says mama. À partir du jour où ton enfant peut dire mama et papa. They will only see you in the church. Ils vont te voir seulement à l'église. Whereas you were once a lay prostitute. Auparavant, tu étais prostituée laïque. In that day, mais dans ce jour-là, your child, ton enfant, will stand up for you. Il va se tenir pour toi. In the school, à l'école, and say, my mother, il va dire, ma mère, is a pastor. Est un pasteur. My father, mon père, is a preacher. Il est prédicateur. My father, mon père, is a missionary. Il est missionnaire. Receive it in the name of Jesus. Recevez au nom de Jésus. God is changing your life. Dieu est en train de changer ta vie. God is changing your destiny. Dieu est en train de changer ta destinée. Moses was wanted for murder. Moïse était cherché pour le meurtre. He was a killer. Il était un tueur. But God changed him. Et Dieu l'a changé. Into a founder. Il est devenu un fondateur. Of the nation of Israel. De la nation d'Israël. You also be declared a founder. Tu seras déclaré un fondateur. People will say he's the one who started this church. Les gens vont dire c'est lui là qui a commencé cette église. Yes. Your children, tes enfants, will testify, vont témoigner about you, de toi. Amen. Amen. You may be seated. Asseyez-vous. Wow. Well, bien. Father, thank you for your blessing. Père, merci pour la bénédiction. Thank you for the Holy Spirit. Merci pour tes missionnaires. Thank you that you are the creator. Merci que tu es le créateur. Of the heavens and of the earth. Les cieux et la terre. That you are the one. C'est toi. Who breathed. Qui a soufflé. Into the dust. Dans la poussière. And then the dust became a living soul. La poussière est devenue un esprit vivant. Breathe into souffle the flesh dans la chair that is seated here today. Qui est assis ici aujourd'hui. And let them become et qu'ils deviennent living les vivants, witnesses, les témoins vivants, apostles, les apôtres, prophets, les prophètes. By your wind, à travers tes vents, raise up, élève the unexpected, des gens qui n'en espèrent pas, those that are not expected, les gens qu'on n'a to do anything, de faire quelque chose, raise them up, oh God, élève les Seigneur, raise them up, élève les, yes, thank you. Hallelujah. Receive the Holy Spirit in Jesus' name. Recevez le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit in Jesus' name. Recevez le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit in Jesus' name. Recevez le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit in Jesus' name. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Thank you, Lord, for your Merci, blessing. Seigneur, pour ta bénédiction. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Be seated. All right. D'accord.